Avant 1851, Canteperdry, dans le vestibule de la maison commune, possédait un canon sur lequel jouaient les gamins, et que des artilleurs bourgeois, coiffés d'un grand shako à plumes rouges, faisaient tonner les jours de fête. Vint le coup d'État. Canteperdry prit les armes, et la réaction triomphante eut pour premier souci de lui confisquer son canon. Canteperdry s'enorgueillissait d'une compagnie de pompiers organisée militairement et qui défilait en musique. Dans la crainte d'émeutes futures, le 16 mai voulut désarmer les pompiers, prétextant, par un hypocrite sophisme, qu'on n'avait pas besoin de fusils pour éteindre les incendies. Vexés, les pompiers résistèrent et la compagnie fut dissoute. Depuis, ni la compagnie ni la musique ne se reconstituaient. Plus encore de ces pompiers, Canteperdry s'enorgueillissait de sa citadelle. Château fort gothique, passionné par Vauban, c'était, avec son cavalier et ses courtines, sa collerette des choguettes s'enlevant fine dans l'azur, sa guérite du diable à pic au-dessus des tourbillons du trou d'enfer, son donjon qu'habitait un roi de Pologne prisonnier, son escalier taillé en plein roc, et comme celui de Gibraltar, tout hérissé d'artillerie, ses talus taillés au ciseau et qui s'argentent chaque printemps de la neige des saxifrages, une couronne sur la ville.